إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. Il vous a en effet interdit la chair de la bête morte, le sang, la chair de porc et la bête sur laquelle un autre nom que celui d'Allah a été invoqué. Mais quiconque en mange sous contrainte et n'est ni rebelle ni transgresseur, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Et ne dites pas conformément aux mensonges proférés par vos langues, ceci est licite et cela est illicite pour forger le mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. Ce sera pour eux une piètre jouissance. Mais un douloureux châtiment les attend. Aux Juifs, nous avions interdit ce que nous t'avons déjà relaté. Nous ne leur avons fait aucun tort. Mais ils se faisaient du tort à eux-mêmes. ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Puis ton Seigneur, envers ceux qui ont commis le mal par ignorance et se sont par la suite repentis et ont amélioré leur conduite, ton Seigneur après cela est certes pardonneur et miséricordieux. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. Abraham était un guide, umma parfait. Il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui, et il n'était point du nombre des associateurs. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. Il était reconnaissant pour ses bienfaits et Allah l'avait élu et guidé vers un droit chemin. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Nous lui avons donné une belle part ici-bas. Et il sera certes dans l'au-delà du nombre des gens de bien. Puis nous t'avons révélé. Suis la religion d'Abraham qui était vouée exclusivement à Allah et n'était point du nombre des associateurs. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Le sabbat n'a été imposé qu'à ceux qui divergeaient à son sujet. Au jour de la résurrection, ton Seigneur jugera certainement au sujet de ceux dont ils divergeaient. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن